qui parle des oiseaux. Silhouette fragile derrière le rideau. Elle marche parfois dans un trop long couloir, en attendant souvent des heures dans le noir. Elle vient de l'été et des feuilles qui tombent. Dans ses mains fatiguées reposent des colombes. Son cœur est retourné depuis longtemps déjà aux images d'hier pour continuer tout ça et vivre, vivre dans une chambre nue au bout de cette rue sans fleurs, mais vivre. Survivre le temps d'un arc-en-ciel quand je m'assois près d'elle. Bonheur. Son café du matin ne chante plus la fête. La place de chacun face au rond de serviette. Ce n'est pas la famille, ce n'est plus la maison, c'est la vie en béquille, sous haute trahison. Le carillon absent, une pauvre pendule, vient égrener le temps qui reste majuscule. Dans les draps, plus jamais l'odeur de la lavande, on l'a mise en hiver, alors vivre, vivre dans une chambre nue au bout de cette rue sans fleurs, mais vivre, survivre le temps d'un arc-en-ciel quand je m'assois près d'elle. Son soleil a baissé les paupières et son corps est un cri qui cherche la lumière. Entre médicaments et la température, ça fait des pansements sur une vie qui dure. Et puis il faut manger pour faire plaisir à monsieur. Le docteur est passé, il dit que ça va mieux. Elle a droit au petit tour dans le parc en poussant ce foutu de fauteuil et en faisant semblant de vivre, vivre dans cette chambre nue au bout de cette rue. Sans fleurs, mais vivre, survivre le temps d'un arc-en-ciel quand je m'assois près d'elle, je pleure. Aux grappes des saisons, une infinie pudeur. Cette bougie qui tremble est un porte-douleur. Quelques gâteaux usés et des cartes postales, un trésor de bienfaits sur un lit d'hôpital. Et ma racine est là au bord de sa souffrance. Je la vois traverser les rues de la vieillesse et j'ai l'âme triste. arc-en-ciel quand je m'assois près d'elle.